Ok. Ce qu'il nous faut pour commencer, c'est une poêle bien profonde. À feu très doux, vous en verrez. Trois gousses d'ail en offrande. Une cuillère en bois est nécessaire pour ne rien rayer du fond de la poêle. À saisir lentement, longanisme, boudin, lard et gourmandise. Les retirer sans trop tarder. Quatre verres de semoule, les faire dorer. Dans un verre d'eau, les séparer. 2 heures seront nécessaires pour qu'apparaissent les boulettes. Continuez de remuer. Continuez de remuer. Vous l'entendez, c'est bientôt l'heure d'arrêter. Coupez le gaz, montez le son et servez vos migas de nuit. Avec amour, dégustez-les.